بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأجردوا الحمد لله. Nous allons rentrer après avoir pris cette mukaddima, inshallah, dans le naqid al-awwal, dans le premier naqid, la première annulation. Celle citée par le shir Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Najdi rahimahullah ta'ala. Donc le shir dit al-awwalu al-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Donc le premier, c'est l'association dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Fawzan, hafizahullah, dit en expliquant cette parole, « A'zam anwa ridda » la pire des genres des apostasies. « Ash-shirku fi ibadatillah » l'association dans l'adoration à Allah. Avant, il faut savoir, le shirk, littéralement parlant, en arabe, sa définition c'est ma'khouz min al-musharaka kafi qouli ta'ala ashriku fi amri. Donc c'est un mot qui est pris du mot musharaka qui veut dire association, participation, ce genre de choses. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Taha, lorsque Moussa alayhi salam dit à Allah ashriku fi amri, et associe-le à mon affaire. Dans la législation, le shirk a plein de définitions, et parmi les meilleures d'entre elles, celle qui est تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. C'est le fait d'associer autre que Allah à Allah dans ce qui est propre à Allah. Et la preuve, c'est la parole d'Allah quand il dit تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous vous égalisions avec le Seigneur de l'univers. Et le shahid, c'est Iznusawwikum, lorsque nous vous égalisions. C'est-à-dire, nous avons rendu égaux entre vous et Allah. Et cette cause-là est une chose qui nous a fait entrer au feu. Également, comme cela est connu, le shirk, voyez, est de deux catégories. Al-Akbar ou Al-Asrar. Al-Akbar, nous avons souvent tendance à voir des traductions comme le grand. Mais ce qui paraît plus évident, c'est que Akbar, c'est un ism tafdil parmi les noms comparatifs, qui veut dire le plus grand. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, c'est pas on dit Allah est grand, c'est on dit Allah est le plus grand. Taïeb, donc ce qui paraît plus évident de traduire par shirk Akbar, c'est le shirk le plus grand. Et Asrar, cela a été traduit également par le petit, et le plus authentique ce serait le plus petit ou le moindre, c'est-à-dire il est moindre, de moins grandes conséquences que le Akbar. Mais cela ne veut pas dire que c'est un petit shirk. Pourquoi lorsque l'on entend petit shirk, cela porte à confusion et laisse entendre qu'il est petit. Cela minimise dans la gravité de la chose. Donc, al-shirk al-akbar, taïeb, c'est tout shirk que la législation a appelé de la sorte et qui comprend une sortie de l'individu de sa religion. Donc le shirk akbar, il fait sortir de l'islam. Et le shirk asrar, c'est tout ce que la législation a interdit, taïeb, et qui est un moyen qui mène au shirk akbar, ou qui fait tomber dedans. Et également, parmi les conditions de la définition du shirk asrar, c'est que ce shirk a été nommé par la législation. C'est-à-dire, par exemple, certains péchés, taïeb, sont un moyen qui mène au shirk akbar, mais pour autant, ils n'ont pas été considérés comme étant du shirk asrar. Comme le fait, par exemple, taswir zawat al-arwah, le fait de représenter les êtres vivants ayant des âmes. Taïeb, il est connu que cela fait partie parmi les grands péchés, mais personne n'a nommé cela comme étant du shirk asrar. Et pourtant, il est l'origine du shirk. Comme cela arrive avec le peuple de Nuh, alayhi salam, qui, lorsque les hommes pieux moururent de leur communauté, Shaitan vient pour leur enlever leurs actions et leur dire « Pourquoi ne représentez-vous pas ces gens-là afin de vous rappeler d'eux ?» Donc ils commençaient à faire des statues ou à faire des images afin de se souvenir de ces gens-là, pour avoir un rappel dans leur adoration. Et au fur et à mesure du temps, Taïeb, Shaitan leurs actions, ils se sont mis à adorer ces gens. Du moins à adorer ces statues. Et cela est l'origine du shirk, comme cela a été rapporté par beaucoup de savants. Donc nous disons que Taswir Zawat al-Arwah, comme vous l'avez compris, cela mène au shirk akbar, et pourtant, le fait de faire une photo, ou de dessiner, ou de filmer, n'a pas été appelé shirk asrar, mais plutôt un kabir, kabira min kabair, c'est un grand péché. Donc parmi les conditions du shirk asrar, C'est que la législation l'a appelé shirk. Comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah. Des hadiths sont venus sur ce sujet, disant que cela est du shirk asrar. Naam. Donc, shirk fawzan, Hafizullah reprend en disant, al-shirku fi ibadatillah. Donc, l'association dans l'adoration à Allah. Bien ya'buda ma'allahi ghayrahu. Du fait qu'il adore avec Allah autre que lui. Ka'anna yasbahu li ghayrillah. Comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Ou yanzuru li ghayrillah. Ou qui fasse un vœu pour autre qu'Allah. Ou yasjudu li ghayrillah. Ou qui se prosterne pour autre qu'Allah. Ou yasta'isu bi ghayrillah fima la yaqdiru alayhi illallah. Ou qui recherche du secours auprès d'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. Hada a'zamu anwa'i ridda. Et cela est parmi le plus grand genre d'apostasie. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. Et certes, celui qui associe à Allah, Allah lui a certes déjà rendu interdit le paradis et son refuge est le feu. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Certes, Allah ne pardonne pas ce qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et celui qui associe à Allah a certes forgé un grand péché ou une grande invention. Et celui qui associe à Allah, c'est certes égaré d'un égarement lointain. Alors le shirk reprend en disant Far shirku wa akhtaru anwa'i ridda. Donc le shirk est le plus dangereux des genres d'apostasie. Wa an ya'buda ghayrallahi bi ayy nawm min anwa'i ibadat. Du fait d'adorer Allah par tout genre, par un genre parmi tous les genres des actes d'adoration. Bid-du'a, l'invocation, bid-dhabh, par le sacrifice, bil-nazr, le vœu, bil-isti'afa, le fait de demander secours, bil-isti'ana, le fait de demander de l'aide. Fima, l'agdiru alayhi l'Allah, dans ce que seul Allah est capable d'accomplir. À savoir que certaines de ces choses-là, voyez, comme le dhabh, l'irélillah, cela est du shirk purement. Il n'y a pas de détaillé sur le sujet. Par contre, l'isti'afa, ou ad-du'a, ou l'isti'ana, il y a un détail sur le sujet, à savoir que ce n'est pas toute isti'ana ou toute isti'afa ou toute du'a, l'irélillah, pour autre qu'Allah, qui est du shirk. Et cela, inshallah, viendra dans d'autres kutub. Naam. Donc le shirk reprend en disant, yad'u al-mawta, il invoque les morts, ou yasta'is ou bil-kubur, ou yastanjidu bil-amwet. Donc il appelle les morts, il demande secours par les tombes, et il appelle les morts. هذا هو أخطر أنواع الردة وأعظمها. Et cela est le plus dangereux genre d'apostasie et le plus considérable. وهذا علي كثير ممن يدعون الإسلام. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui chez beaucoup de gens qui prétendent l'islam. يبنون الأدريحة ويطوفون بها. Ils construisent des mausolées, des grandes tombes et ils tournent autour d'elles. يسبحون لها. Ils égorgent pour elles. ينذرون لها. Et ils font des vœux pour elles. ويتقربون إليها. Ils se rapprochent d'elles. يَكُولُونَ لِيَنَّهَا تَكَرُّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Ils disent que cela est une chose qui les rapproche d'Allah. وَمِنْ تَكَرَّبُونَ لَهَا. Et ils se rapprochent de ces choses-là. وَيَّ بِزَعْمِهِمْ تَكَرَّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ. Et dans leur prétention, ces choses rapprochent d'Allah. لِمَاذَا لَمْ تَتَكَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْلِ وَتَتْرُكُوا أَدِي الْمَتَاهَاتِ. Donc le shir dit, pourquoi ne vous rapprochez-vous pas d'Allah par ce qui est d'origine et vous délaissez ces détours, ces labyrinthes? لِتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Qu'il se rapproche d'Allah, car certes il est proche et qui répond. لِمَاذَا تَتَقَرَّبُونَ بِمَخْلُوقِينَ وَتَكُولُونَ الْمَخْلُوقُونَ يُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ. Pourquoi vous rapprochez-vous des créations, des choses, des créatures, en prétendant que celles-ci vous rapprochent d'Allah? Et également, As-Sanani, rahimahullah, a rappelé dans son livre Tadhir al-Irtiqad un exemple de cela, que des gens, par exemple, prennent un mouton ou une chose, vont vers une tombe et l'égorgent là-bas. Et lorsque tu leur demandes pourquoi fais-tu cela, que recherches-tu auprès de l'habitant de cette tombe? Il dit non, moi si je fais ça c'est pour Allah, c'est tout. Je n'ai rien par rapport à cette tombe. Donc on lui dit pourquoi alors es-tu parti de ta maison? As-tu porté cet animal et pars-tu jusqu'au cimetière afin d'égorger ce mouton? Si c'est pour Allah, pourquoi ne le fais-tu pas directement dans ta maison? Donc ces choses-là sont des indices qui prouvent que cette personne-là a un irtiqad, une croyance erronée dans son cœur. Naam. Donc le shir reprend en disant Hel Allah ba'id, est-ce qu'Allah est loin? Hel Allah a'laqa abwaba, est-ce que Allah a fermé ses portes? Hel Allah la ya'lamu wa la yasma'u khalqa, est-ce que Allah ne connaît pas et n'entend pas sa création? Ala tara ma yaf'alun, ne vois-tu pas ce qu'ils font? C'est-à-dire ces gens-là qui commettent des actes d'adoration pour Allah. Allah Jalla wa Ala Karibul Mujib. Allah qui soit exalté est propre et proche et répond. Et si mon serviteur m'appelle, je suis proche et je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Il est certes proche et répond. Pourquoi t'en vas-tu et vas-tu adorer ou vas-tu implorer autre qu'Allah? وتقول هذا يقربني الى الله et tu dis que cela te rapproche d'Allah. Alors pourtant il يقول ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفا. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري. C'est-à-dire ces gens qui prétendent ces choses-là, c'est comme s'ils disaient que Allah ne sait pas et n'a pas connaissance. هذا هكذا زينا شياطين الجن والإنس لهؤلاء وهم يدعون الإسلام. Et c'est de telle sorte que les shayatin parmi les hommes et les djinns ont embelli à ces gens-là leurs actions. Et ces gens-là prétendent l'islam. ويشهدون أن لا إله إلا الله. Ils attestent qu'il n'y a pas de divinité, d'adoration si ce n'est Allah. ويصلون ويصومون. Ils accomplissent la salat et ils font le siyam. ولكن يخلطون أعمالهم بالشرك الأكبر. Cependant, ils mélangent à leurs œuvres le shirk akbar. وَيَخْرُجُونَ مِنِ الدِّينِ. Et ils sortent de la religion de l'islam. وَيُصَلُّونَ يُصُمُونَ وَيَحُجُّونَ وَالَّذِي يَرَاهُمْ يَظُنَ أَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ. Alors ces gens-là font salat, et ils font siyam, et ils font le hajj. Et celui qui les voit, il pense que ces gens sont des musulmans. فَيَنْبَغِي مَعْلِفَةُ هَذَا. Donc il convient de connaître cela. فَالشِرْكُ بِاللَّهِ وَأَخْطَرُ الذُّنُوبِ. L'association à Allah est le plus dangereux des péchés. Et malgré son danger ou son péril et son mal, beaucoup de ceux qui prétendent l'islam sont tombés dedans. Et ils n'appellent pas cela shirk. Ils appellent cela par, c'est-à-dire ils changent le nom du shirk afin de faire un taqrib de haqa'iq, de retourner les réalités. Ou ils appellent cela une demande d'intercession. Yusammunahu bi asma' ghayr al-shirk. Et il l'appelle par d'autres noms que le shirk. Walakin al-asma' la tughayyir al-haqa'iq. Mais cependant, les noms ne changent pas la réalité des choses. Wal-shirk wa shirk. Et le shirk reste le shirk. Et également, cela est venu dans un hadith du prophète Mohammed alayhi salam où il dit inna unasan min ummati yashrabuna al-khamr yusammunaha bi ghayr ismiha. Il dit certes, des gens de ma communauté boivent de l'alcool et ils le nomment par autre que son nom. Wahada, et cela, Tayyib, il fait partie des méthodes de Shaitan, comme il l'a fait avec Adam, alayhi salam, en lui disant Ya Adamu Allah Dulluka ala shajaratin khuldi wa mulkin la yabla. Donc il dit, afin de pouvoir enduire Adam en erreur, il lui dit Ô Adam, ne t'indiquerai-je pas l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Donc voilà comment Shaitan détourna Adam de l'ordre de son Seigneur, qu'il lui avait interdit de toucher à l'arbre. Et celui-ci lui a-t-il dit que l'arbre était comme celui que Allah lui a dit? Non, il a changé sa nomination et sa qualification. Il l'a rendu plaisant aux yeux d'Adam, alayhi salam. Donc le fait de changer les noms ne change rien à l'origine de la chose. Ou également, comme on voit à cette époque, ce qu'ils appellent, par exemple, riba. Tayyib, riba. L'usure, comme cela est traduit. Aujourd'hui, les gens appellent ça les intérêts. En arabe, on dit le fa'ida. Cela a un côté plus plaisant et plus attirant pour la chose et la rend moins grave aux yeux des gens. Cependant, un riba, ça reste du riba et interdit parmi les grands kaba'ir. Donc le shi'a reprend en disant وَهَذَا أَخْطَرُ الْأَنْوَاعِ. Et cela est le pire des genres. وَأَكْثَرُ الْأَنْوَاعِ وُقُوعًا مَعَنَا وَظَاهِرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Et cela est le plus dangereux des genres et le plus répandu et celui dans lequel tombe le plus alors qu'il est apparent dans le livre d'Allah. Et pareil, il est également apparent dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait, les mises en garde à son encontre, et les appels, et les menaces planant dessus. Et tu ne verras pas une sourate qui ne soit, sans que celle-ci ne parle de la mise en garde contre le shirk. ومع هذا يقرؤون القرآن ولا يجتنبون الشرك. Et malgré cela, ils lisent le Coran et ils ne s'éloignent pas du shirk. وربما يأتي واحد ويقول il se peut que un vienne et dise هؤلاء جهال معذورون بالجهل. Que ceux-là, c'est-à-dire ces gens-là qui tombent dans le shirk, sont des ignorants et qui sont excusés par l'ignorance. فنقول, alors nous disons il est matal jahl والقرآن يتلى وهم يحفظون القرآن ويقرؤونه. Donc nous leur disons jusqu'à quand l'ignorance, alors que le Coran est récité et eux ils l'apprennent et ils le lisent. Et certes l'argument leur a déjà été établi par le fait que le Coran n'en soit parvenu. Et ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse et à ceux à qui il est parvenu. فكل من بلغ القرآن فقد قامت عليه حجته ولا عذر له. Et tous ceux à qui le Coran est parvenu, l'argument leur a certes été établi et ils n'ont aucune excuse. Et ça, il s'agit là de la parole de Cheikh Fawzan, hafizullah. Cependant, nous savons que d'autres savants ne sont pas de cet avis-là, et parmi eux, Cheikh Rabi, hafizullah, qui eux disent, mettent comme condition pour que iqamat al-hujja, que l'argument soit établi, il faut que la parole soit comprise, qu'elle soit claire. Et ils ont comme délai pour cela, nous n'avons pas châtié de peuple sans que nous n'ayons envoyé de messager. Et également, parmi les preuves, ils disent il n'y a pas sur le messager si ce n'est de faire parvenir le message de façon claire. En cela, nous voyons des preuves que certains savants voient que pour que iqamat al-hujja soit faite, la parole doit être comprise. C'est-à-dire le simple fait que le Coran soit parvenu, peut-être que cela ne suffit pas afin de pouvoir juger une personne de mécréante lorsque celle-ci tombe dans le kufr. Naam, wallahu a'lam. Ensuite, Shir Muhammad ibn Abdul Wahhab cite وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Shir Fawzan hafiz Allah reprend en disant cette parole هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب بحيث أن الله لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه. Et cela prouve que le shirk est le plus grand des péchés, de telle sorte que Allah ne le pardonne pas à celui qui l'accomplit, sauf s'il s'en repent. Et il pardonne à autre que cela, qui est moindre que cela. Madun al-shirk, c'est-à-dire ce qui est moindre que le shirk. Kazina, wa shurb al-khamr, wa siraqa, wa akl al-riba. Comme la fornication, ou le fait de boire de l'alcool, ou le fait de voler, ou de manger, de consommer le riba, l'usure. Et non pas intérêt, comme certains disent. هذه كلها دون الشرك. Donc tous ces péchés-là sont moindres que le shirk. ويداخلتون تحت المشيئة. Et ils sont compris sous la volonté d'Allah. وأصحابها أصحاب كبائر هم فساق. Donc ceux qui commettent cela sont des gens des grands péchés et ils sont des pervers. ولكنهم لم يقعوا في الشرك. Mais cependant ils ne tombent pas pourtant dans le shirk. À part condition si rend cela halal. Par exemple, celui qui fait zina, s'il dit que faire zina c'est halal, ou celui qui boit de l'alcool, qui dit que cela est halal, ou ainsi de suite, lui par contre, il tombe dans le kouf. Naam. Wa innama waqa'u fil kaba'ir. Donc ils sont juste tombés dans les kaba'ir. Fa'iya tunaqqisu imanahum. Et cela réduit dans leur iman. Wa yurkam alayhim bil fisq. Et ils sont, on juge sur eux comme cela étant de la perversion. Wa law matu. Et même s'ils meurent, et qui ne se sont pas repentis. فَإِنَّهُمْ تَعْتِ الْمَشِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهُمْ بِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ. Donc s'ils meurent, ils sont sous la volonté d'Allah. S'il veut, il leur pardonne pour ceux qu'ils auront avec eux comme tawhid. وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Et s'il veut, il les châtiera pour leurs péchés. ثُمَّ مَا لَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي مَعَهُمْ. Et ensuite, leur aboutissement sera le jannah pour le tawhid qu'ils avaient avec eux. وَهَذَا مَالُ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ. Et cela est ce qui attend les gens des kabaïr qui ont commis des grands péchés, ce qui est moindre que le shirk. Et bien sûr, nous voyons en cela une réfutation aux takfiriyin, ceux qui disent aux khawarij, qui disent que le muslim, en mettant une kabira parmi le kabaïr, un grand péché, il devient mécréant. Naam. Donc le shirk reprend, hafizallah, en commentant la parole d'Allah, وَيَغْفِلُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Et il pardonne tout ce qui montre que cela. Dalla ala anna jami'a dhunub kulliha dun ash-shirk. Cela prouve que tous les péchés qui sont moindres que le shirk, wa anna ash-shirka wa a'zamuha wa akhtaruha. Et que le shirk est le plus grand et le plus dangereux. Fa dalla ala khutuwati ash-shirk wa annahu a'zamu adh-dhunub. Donc tout ceci démontre la dangerosité du shirk et son péril et qui est parmi les plus grands des péchés. Ensuite, Shia Muhammad ibn Abdul Wahhab, Al-Najdi, rahimahullah, reprend en disant: Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'ala al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et certes, celui qui associe à Allah, Allah a certes rendu interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et les injustes n'ont pas de secoureur. Cheikh Fawzan, Hafizallah, reprend en disant: Hadhihi 'aqibatuhu fil akhirah. Telle est sa sentence dans l'au-delà. وَأَنَّهُ حَرَّمُوا عَلَيْهِ الْجَنَّةِ et qu'il a certes rendu le jannah illicite. يَعْنِي مَنَعَهُ مِنِ الدُّخُولِهَا مَنْعَنْ بَاتًا مُتْلَقَ c'est-à-dire qu'il lui a interdit de rentrer au jannah de façon catégorique. لَمَتْ مَعَ لَهُ فِيهِ وَفِيهَا il n'y a aucune jouissance, aucune convoitise. أَيْنَ يَذْهَبْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجَنَّةِ فَأَيْنَ يَذْهَبْ où va-t-il aller? Et s'il n'est pas parmi les gens du paradis, où va-t-il aller? Va-t-il devenir néant? لَا مَعَهُ نَارٌ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا non, son refuge sera le feu et il y sera éternellement. وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ et les injustes n'ont pas de secoureurs. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ c'est-à-dire les associateurs. لِيَنَّ الشِّرْكَ ظُلْمٌ وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ car le shirk est une injustice et la plus grande des injustices. Et Allah le dit dans le Coran, il dit إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ comme le dit Luqman à son fils, et certes que le shirk est une grande injustice. مَا لَهُ مِنْ أَنْصَارٍ et ils n'ont pas de secoureurs. مَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ et personne ne peut le sortir du feu. وَيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ et qu'ils puissent intercéder pour eux auprès d'Allah. كَمَا يَشْفَعُ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ وَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ comme on ferait intercession pour les gens des grands péchés afin qu'ils sortent du feu par cette intercession. هَاُولَّهِ لَا تَنْفَعُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ et cela, l'intercession ne leur sera d'aucune utilité. وَمَا لِظَالِمِينَ et pas pour les injustes. Et là, le sens voulu par les injustes, c'est les mouchriquines. مِمْ حَمِيمِمْ وَلَا شَفِعِينَ يُطَعُ et c'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'amis chaleureux et pas d'intercesseurs auxquels on obéit. الْمُشْرِكُ لَا تُقْبَلُ فِي شَفَعَةَ et l'intercession pour le mouchriq n'est pas acceptée. Et bien sûr, comme cela est connu, parmi les conditions de la shafa'a, voyez, que Allah, il agrée celui qui fait shafa'a, et le mashfou'u lahu, c'est-à-dire celui pour lequel on intercède. En dehors de cela, tout revient à Allah, et aucun droit pour les créatures. Wa ma'wahu nar, ma'wa est son refuge, c'est-à-dire le lieu où il sera résident. Wa bi'sat ma'wa, et quel mauvais refuge. Laysa lahu ma'wa ghayruha abad al-abad. Et il n'aura aucun autre refuge que celui-ci, à tout jamais. فَذَنْبُنْ وَهَذَا عَقِبَتُهُ donc ce péché, c'est-à-dire le shirk, tel est le péril et telle est sa conséquence. هَلْ يَجُوزُ تَجَاهُلَةٌ وَعَدَمْ مَعْرِفَتِي وَعَدَمْ تَحْذِيرٌ مِنْهُ est-il permis de se laisser ignorer cela, ou de ne pas en prendre connaissance, ou de ne pas mettre en garde contre cela? وَيُقَالْ اُتْرُكُ النَّاسِ وَاُتْرُكُ الْكُبُورِيِّينَ عِبَادُ الْأَضْرِحَةِ et il est dit: laissez les gens, laissez les kuburiyin, c'est-à-dire ceux qui adorent les tombes, les adorent, et ceux qui adorent les mausolées. Utruku kulla man 'indahu riddatun utruku. Et laisse tous les gens qui ont de l'apostasie, laissez-les. Madama annahu yad'i islam fa huwa muslim. Tant qu'il prétend l'islam, alors il est muslim. Et faites face aux athées. Et le chien dit en cela, ne fait que citer les paroles de ces gens cités dans la Muqaddimah, ces gens qui s'apparentent à la science, et qui disent qu'il ne faut pas parler sur les gens qui prétendent l'islam, et qu'il faut juste s'en prendre aux athées. Le shir reprend en disant, Nakul, nous disons, ceux-là sont pires que les athées, et sont plus dangereux que les athées. Et pareillement, cette parole a déjà été citée dans la Muqaddima. Shir Mohammed Abdul Wahhab, rahimallah, dit, Al-Dhabh, wa minhu, yani, minhu, Al-Dhabh li ghayrillahi kaman yadhbahu lil-jinni aw lil-qabr. Et parmi le shirk, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, comme celui qui égorgerait pour le djinn ou pour la tombe. Donc, Cheikh Fawzan, Hafizallah, a dit, Zakara adal misal yanawaqi'. Donc, il dit que le shir expose à cet exemple, car il se produit. Wa tasahalu an-nas fihi. Et que les gens sont laxistes à ce sujet. Wa yasbahuna li ghayrillah. Qu'ils égorgent pour Allah, wa yasbahuna lid-din ittika'an sharrihim, et qu'ils égorgent pour le djinn afin de se protéger de son mal. Wa yasbahuna lahum min ajli al-ilaj wal-shifa', et qu'ils égorgent pour eux en vue de se faire guérir, en vue de soins médicaux et de se faire guérir. وكثير الوقوع مع أنه شرك أكبر يخرج من الملة. Et il se produit beaucoup, alors que malgré cela, il est, qu'il y a pour autant du shirk akbar et qui fait sortir de la communauté. وَمَا هُوَ بِسَهْلٍ. Et il n'est vraiment, vraiment, ce n'est pas une simple chose. يَقُولُ لَهُ الشَّيَاطِينَ أو الشَّيْطَان. Shaitan leur dit, إِسْبَحْ خَرُوفًا. Égorge un mouton. إِسْبَحْ دَجَاجَ. Égorge une poule. هَذَا سَهْلٍ. C'est rien, ce n'est pas grave. وَلَكِنْ لَا تَنْظُرْ إِلَى الشِّرْكِ. Et cependant, وَبَلْ وَلَكِنْ لَا يَنْظُرْ إِلَى الشِّرْكِ. Et cependant, celui qui fait cela ne regarde pas au shirk. Il ne fait pas attention au shirk. فَالَّذِي يَذْبَحَ ذُبَابًا. Donc celui qui a gorgé une mouche, comme cela est venu dans le hadith d'Abi Moussa, un hadith qui a été jugé comme étant faible. دَخَرَ النَّارِ. Il est rentré dans le feu. وَلَيْسَ النَّظَرُ إِلَى الْمَذْبُوحِ. Et le sujet ne se rapporte pas à ce qui a été gorgé. وَإِنَّمَا النَّظَرُ إِلَى الْعَقِيدَةِ. Mais cependant, cela se rapporte à la croyance, ce qu'il y a dans le cœur. Al-Nazar, les niyat il-Kolb. Cela revient à la niyat, à l'intention. Comme cela est connu, le hadith de Omar ibn Khattab, radi anhu, an Nabi sallam, qu'ala, innama al-a'malu bin niyat. Que les actes ne valent que par intention. Al-Nazar, il est adam al-mubalati bi-shirk. Le fait de regarder une insouciance face au shirk. Laysa al-Nazar, il est qimat al-mazbour. On ne regarde pas la valeur de ce qui est égorgé. فَالَّذِي ذَبَحَ ذُبَابًا دَخَلَ النَّارِ. Donc celui qui a gorgé une mouche, pourtant est entré au feu. النَّاسِ تَسَاهَلُونَ فِي هَذَا. Et les gens ont un grand laissé aller sur cela. مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقَدِيَ حَاجَتَهُ. Et tout cela en vue de quoi? Qu'il accomplisse son besoin. أَوْ يُعَلِّمَهُ الشَّيْءَ الْغَائِبَ. Ou afin qu'on lui enseigne une chose parmi les choses invisibles qu'il ne sait pas. أَوْ يُخْبِرَهُ عَنِ الْمَالِ الْمَفْقُودِ. Ou qu'il l'informe de l'argent qu'il a perdu, c'est-à-dire du fait qu'il va chez les voyants ou autre que cela, ou chez les djinns, afin de savoir des choses dont il a besoin. Et pour cela, il tombe dans le shirk. Ou autre que cela parmi les choses qu'il désire savoir. Donc il sort de sa religion. Et il apostasie pour une chose qu'il juge comme étant anodine. فالأمر خطير جدا. Et la chose est extrêmement dangereuse. Enfin, aujourd'hui, alhamdoulillah, nous avons terminé de ce premier naqid qui est le shirk billah, l'ascension à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, inshallah, nous continuons dans les autres naqid, dans les dirs qui arriveront, inshallah ta'ala. Walhamdoulillah, rabbil alamin.